Chapitre 9e. Il y avait quelques jours déjà que Madame Blachère était rentrée à Châteaufrayer, après le complet rétablissement de sa belle-fille, quand, vers la fin de novembre, Claire se crut enceinte. 16 mois auparavant, la perspective d'une grossesse était, comme on l'a vu, très loin de sourire à la jeune femme, mais depuis quelque temps, ses idées avaient subi, sur ce point comme sur d'autres, d'essentielles modifications, et presque à son insu, elle en était insensiblement venue à regretter de n'avoir pas d'enfant. Soit que, ayant commencé de prendre goût à une vie plus calme, elle comprit enfin tout ce que la présence d'un de ces petits êtres donne de charme et de poésie au foyer domestique. Soit que son affection pour Raymond ayant grandi, ce sentiment fut devenu plus perspicace en même temps qu'il devenait plus noble, et lui eut révélé que si l'amour de son mari semblait décroître, c'était peut-être qu'il avait contre elle un grief inavoué, qui n'existerait plus du jour où elle pourrait lui annoncer que bientôt il serait père. Aussi fut-ce avec une émotion profonde qu'elle s'avisa de son état. Comme s'il voulait se venger d'avoir été comprimé si longtemps, l'instinct maternel l'envahit tout entière, d'un élan si brusque et d'une prise si impérieuse qu'on eût fort étonné la jeune femme, qu'on l'eût indignée même en lui rappelant qu'elle n'avait pas toujours regardé comme le plus grand des bonheurs cette espérance d'être mère, qui maintenant la ravissait en une sorte d'extase. Elle attendit, ne voulait rien dire, surtout à son mari, avant d'être sûre. Et à chaque jour qui s'écoulait, l'espérance devenait plus forte, devenait invincible, s'emparait de son cœur, à ce point qu'il lui semblait, à de certains moments, qu'elle mourrait d'une déception. Elle parlait peu, se souriait souvent à elle-même, ou plutôt à un être qui n'existait pas encore pour d'autres, mais qui pour elle vivait déjà, que déjà elle aimait. Et ce sourire mystérieux avait la douceur de la pensée dont il était le reflet. Elle restait languissamment assise pendant des heures, ayant sur ses genoux un livre qu'elle ne lisait pas, cherchant d'instinct les poses molles et allongées. Son regard semblait se noyer de rêve. Ses mains se croisaient déjà d'elles-mêmes sur son ventre, comme pour protéger le cher fardeau qu'il portait peut-être. Et toujours le même vague sourire flottait sur ses lèvres, entr'ouvertes, comme si elle eût parlé à quelqu'un d'invisible. Puis, quand il n'eut plus de doute, au lieu de la joie immense qu'elle s'était promise pour le moment où elle pourrait confier son secret à Raymond, un accès soudain de timidité la saisit. Elle ne savait plus comment lui avouer la douce chose et elle hésitait. Elle tremblait au moment de la dire. 10 fois elle ouvrit la bouche pour parler et n'osa pas. Il lui semblait que Raymond aurait dû deviner quelque chose, pressentir le grand événement, s'informer. Ah, comme elle aurait su répondre, et quelle félicité de tout lui dire. Mais il restait sombre et concentré. Il ne demandait rien, il ne voyait rien, il était tout à l'idée de son nouveau livre, comme elle était, elle, tout à l'idée de son enfant. Un jour qu'il était allé faire quelques visites, il la trouva, en rentrant pour dîner, étendue sur la chaise longue du cabinet de travail où il l'avait laissée en partant. « Comment ? » dit-il. « Encore là ? Est-ce que votre genou recommence à vous faire mal ?» Elle fit signe que non, sans parler. « Mais enfin, il n'est pas naturel que vous restiez ainsi pendant des heures entières. Vous souffrez ?» Elle le regarda et d'une voix très douce, « Je ne souffre pas. Je suis heureuse. »« Ah, mon Dieu ! » dit-il un peu ému du ton dont elle avait prononcé ces mots. « Qu'y a-t-il ? » « Est-ce que... Oui, mon ami. Je le crois. J'en suis sûr même. Il faut que je vous l'annonce, puisque vous ne me demandez rien. Êtes-vous content de moi ?» Il se pencha vers elle, l'embrassa et, dégageant sa tête des bras qu'elle avait noués autour de son cou pour le retenir, lui adressa plusieurs questions. « Mais ce n'est pas la peine de tant m'interroger, disait-elle. Je vous répète que je suis sûr, j'ai vu le médecin. « Figurez-vous qu'il n'a jamais voulu me dire si ce serait un garçon ou une fille. Quels ânes que ces médecins. Moi, j'aurais mieux aimé une fille. Mais à cause de vous, je préfère un garçon. Dites-moi donc enfin que vous êtes content. Riez, embrassez-moi encore. Vous ne m'avez embrassé qu'une pauvre petite fois, et ça n'est pas payé, je vous assure. Car enfin, je puis bien y laisser mes os, vous savez. Et faisons des projets d'avenir pour ce monsieur, car c'est un fils, décidément, je le parierais. » Raymond écoutait sans répondre ce gentil babillage. La nouvelle d'un événement qu'il avait appelé de tous ses vœux le touchait. Assurément, mais c'était peut-être la surprise qui dominait dans l'émotion qu'il venait d'éprouver. Il arrive quelquefois qu'on accueille mal un bonheur auquel on n'est pas au moins un peu préparé. Or, Raymond, après avoir longtemps souhaité en vain celui-là, avait fini par s'interdire d'y penser même. La soudaine révélation que sa femme lui avait faite le frappa d'une sorte de stupeur que Claire prit très à tort pour de l'indifférence. « Ah, vous ne parlez pas, moi qui croyais vous rendre si heureux, vous me gâtez ma joie. »« Que voulez-vous ? » répondit-il. « J'avais fini par m'habituer à l'idée de n'avoir pas d'enfant. » Cela ne voulait point du tout dire dans sa pensée qu'il ne fut pas heureux d'en avoir, mais elle se méprit sur le sens de ses paroles, qui lui causèrent une peine affreuse, et se levant brusquement, elle sortit du cabinet, désespérée. Ce malentendu, qu'une bonne et franche explication eût aisément dissipé, devait avoir, ainsi qu'il arrive quelquefois entre époux, d'assez graves conséquences. Claire se rejeta avec une sorte de fureur dans le tourbillon mondain. « Ah ! se disait-elle, c'est ainsi. Pas un élan de gratitude ou de joie, pas un mot tendre. Il ne m'aime plus, c'est évident. » Et la malheureuse, comme toutes les femmes qui croient avoir perdu l'amour de l'homme qu'elles aiment, ne chercha plus qu'à s'étourdir. Raymond, de son côté, ne comprenant pas ce qui se passait en elle, vit avec autant de tristesse que de mécontentement rentrer en scène la femme frivole, coquette, ardente au plaisir, que Claire avait cessé d'être depuis quelques mois. Il lui parut que le calme et le recueillement eussent mieux convenu, de toute manière, à son état, que la vie bruyante, agitée, dont le goût l'avait soudain reprise. De sorte que cet événement capital, au lieu de fondre dans la communauté d'une joie inespérée tous leurs petits griefs réciproques, et de rapprocher l'un de l'autre les deux époux, eut seulement pour effet d'aggraver la sourde mésintelligence qui s'était glissée entre eux. Sans se le dire, ouvertement, ils se reprochaient l'un à l'autre, et avec une égale injustice, lui, de méconnaître les austères devoirs qu'impose une maternité prochaine, elle, de se montrer insensible au bonheur d'avoir bientôt un enfant. Janvier, février se passèrent ainsi. En dépit des observations de sa mère, de sa belle-mère, des conseils du médecin, Claire avait repris son train de l'hiver précédent. « Vous devriez ménager un peu vos forces, » lui dit un jour son mari. « Vous en aurez besoin. »« Bah !» répliqua-t-elle, « arrive que pourra. » Tandis qu'elle jetait dédaigneusement ces paroles, son cœur se serrait. Raymond, ne devinant point l'amertume cachée sous cette triste fanfaronnade, souffrit horriblement de l'entendre et ne répondit pas. Tous les soirs, il sortait. Tandis que le coupé les emportait loin de leur maison, ils regardaient chacun d'un côté différent dans la rue et se renfermaient à l'envi dans un silence pénible, gros de mutuelles récriminations. Aussitôt arrivé, ils se séparaient. Raymond allait saluer ses amis, et Claire, par représailles, se laissait faire par les hommes plus de compliments qu'elle n'en avait encore autorisé. Ils s'observaient du coin de l'œil avec colère, en évitant que leurs regards se rencontrassent, et en déguisant sous un air d'indifférence et de gaieté la jalousie dont ils souffraient l'un et l'autre. Cette comédie qu'ils jouaient inconsciemment avait fini par tromper beaucoup de gens. Le bruit courut que le ménage Blachère allait mal, et aussitôt les messieurs mûrs que la froideur de Claire et la vigilance de son mari avaient tout d'abord écartés se montrèrent de réchef autour d'elle. Ceux qui furent gardés par quelques observateurs des choses de la vie parisienne comme un symptôme aussi grave que le peut sembler aux yeux des marins l'apparition autour d'un navire des oiseaux dont la présence annonce la tempête. Un soir que Claire s'était donné beaucoup de mouvements, qu'elle avait causé bruyamment, dansé même, le monsieur qui l'avait conduite au buffet et qui à ce moment lui présentait une coupe de champagne, la vit tout à coup pâlir, chanceler et porter d'un mouvement rapide qu'elle réprima aussitôt la main au bas de son corsage. « Qu'avez-vous, madame ? » demanda-t-il avec un galant empressement. « Ne faites pas attention, » dit-elle en repoussant la coupe, « c'est la chaleur. » Sa figure était devenue blanche comme un linge. Ses yeux, qui brillaient d'un éclat extraordinaire, cherchaient Raymond. Pour la première fois, Claire venait de sentir comme un autre cœur qui palpitait en elle. Et elle restait là, oubliant tout, le lieu, la foule, les regards fixés sur elle, immobile et glacée, sentant les battements de son sang ralenti, suspendu presque, par l'attente d'une nouvelle secousse, ne pensant plus à rien, si ce n'est à ce petit être qui venait brusquement de se rappeler à elle, et qu'elle tua peut-être alors qu'il voulait vivre. Quelqu'un était allé chercher Raymond. Elle prit son bras. « Partons, » dit-elle. Et droite, pâle, les yeux fixes, d'un paraître de somnambule, elle sortit. « Eh bien, qu'y a-t-il ? » demanda Raymond, dès que la portière de la voiture se fut refermée. Il se pencha vers elle et la regardait anxieusement, soupçonnant presque ce qui venait de se passer. Pourquoi, au lieu de lui dire la vérité, d'appuyer comme elle faisait autrefois, ainsi qu'elle en avait envie, la tête sur son épaule, pourquoi se raidit-elle contre son émotion ? Hélas, c'est qu'au moment où elle allait parler, au moment où les larmes qui déjà gonflaient ses paupières allaient jaillir et soulager son pauvre cœur oppressé, à ce moment-là, l'image d'une petite blonde avec qui Raymond s'était entretenu longuement pendant ce bal passa soudain dans son esprit. Alors, l'attendrissement qui la gagnait se changea en une sorte de rage. Elle eut horreur de cet homme, qu'elle adorait pourtant, horreur du monde qui le lui avait pris, horreur d'elle-même, horreur de tout. Et comme il répétait doucement la question, « Eh bien, qu'y a-t-il ? » en essayant de glisser un bras autour de sa taille. « Rien, » dit-elle durement. Raymond tressaillit et s'écarta. Elle s'était rejetée dans le coin de la voiture. Parfois, la lumière des lanternes d'une autre voiture que l'on croisait entrait brusquement dans le coupé et éclairait pendant une seconde le visage blême d'une femme qui regardait tout droit dans la nuit, les sourcils contractés, l'air farouche. Et ce fut ainsi qu'ils rentrèrent chez eux, qu'ils se retrouvèrent, une heure après, seuls, à côté l'un de l'autre, dans la tiède chaleur de la chambre nuptiale. Ce soir, soir sacré, où le petit être né de leur amour avait donné la première manifestation de sa vie obscure à celle qu'il avait conçue. De quel élan de gratitude celui qui l'avait engendré se serait jeté aux genoux de la mère si elle avait voulu parler ? Comme leurs âmes qui se cherchaient, alors même qu'elles semblaient se fuir, se seraient unies et fondues en présence de l'ineffable mystère. Et quelle nuit d'amour eût valu celle qu'ils eussent passée, serrés l'un contre l'autre, attendant avec une sorte de religieuse anxiété quelque nouveau tressaillement, afin d'être bien sûr que cette vie, distincte de la leur, et pourtant toute mêlée à elle, continuait à sourdre. Mais Claire ne sortit pas de son cruel silence, trouvant une sorte de volupté amère, à se noyer dans sa propre souffrance, à se dire, à se répéter sans fin qu'elle était seule, abandonnée de tous, sans mère ni mari, et se vengeant de son martyre, en refusant celui qu'elle accusait de le lui infliger, la joie d'apprendre cette première palpitation de la créature qu'ils avaient formée tous les deux. Il y a des heures où nos pires ennemis ne mettent pas autant de haine à nous déchirer que nous mettons de frénésie à torturer notre propre cœur. Or, elle était, la malheureuse femme, à l'un de ces moments. Et dans ce naufrage de sa raison, surnageait seulement l'âpre désir de se faire du mal à elle-même, afin d'en faire aussi à celui qu'elle aimait. Raymond ne sut donc pas pourquoi elle avait voulu quitter le bal. Il crut à un caprice de femme impérieuse et fantasque, à un de ces accès de despotisme conjugal qu'elle ne lui avait pas épargné dans les premiers temps de leur mariage. Et le seul résultat de cet incident, qui aurait dû les jeter dans les bras l'un de l'autre, confus de leur méprise et repentant du mal qu'ils s'étaient fait, fut d'affermir le jeune homme dans la résolution de ne pas céder toujours à cette ridicule et humiliante tyrannie qu'on prétendait exercer sur lui. Quant à Claire, il lui arriva ce qui arrive souvent aux femmes après une de ces crises d'âme qu'ils bouleversent de fond en comble tout leur être moral. Ses sentiments religieux, assez tièdes jusqu'alors, prirent tout à coup une ferveur qu'ils n'avaient jamais eue. Elle chercha dans sa mémoire, en s'étonnant de les avoir déjà presque oubliées, les prières de son enfance. Et ce fut, pour sa pauvre âme blessée, une joie, une consolation, de retrouver, de redire les belles et douces paroles qu'elle se reprochait maintenant d'avoir dites autrefois, sans remarquer assez la vertu de réconfort qui réside en elle. Ce retour offensif de religiosité se produisit avec une telle force qu'au bout de quelques jours, la jeune femme ne fit pas de difficulté à prendre l'avertissement reçu par elle pendant ce bal pour un ordre mystérieux de se consacrer tout à son enfant, et qu'il lui vint un remords des dîners, des fêtes, de toutes sortes où elle était allée, comme si, en y allant, elle avait risqué de compromettre le dépôt de vie que Dieu même lui avait confié. Elle résolut donc de renoncer au monde jusqu'à l'époque de sa délivrance. Et le sacrifice lui coûta d'autant moins qu'elle espérait au fond, en cessant d'y paraître, retenir son mari auprès d'elle. Malheureusement, la funeste habitude qu'ils avaient prise de se dérober l'un à l'autre la connaissance de leurs sentiments intimes et des mobiles secrets de leurs actes les exposait à interpréter presque toujours d'une manière fausse et injuste leur conduite respective. Dans la disposition d'esprit où il était, Raymond devait croire et crut en effet que ce parti pris de retraite absolue, succédant si brusquement à une excessive mondanité, servait seulement à déguiser une nouvelle entreprise contre sa propre indépendance. Étant, moins que jamais, d'humeur à se la laisser confisquer, il ne se rendit point aux timides invites que fit Claire pour le garder à la maison, et continua d'aller dans le monde où elle n'allait plus, tant parce qu'il avait insensiblement pris goût à cette vie, que parce qu'il croyait sa dignité intéressée à ne point permettre que les caprices d'une femme devinssent la règle de sa conduite.